Non, regarde ça. Ça, c'est une chenille de papillon lune. Tu vois? Elle va tisser sa nymphe et rentrer dans ça, dans sa crie. Chrysanthème? Non, chrysalide. Mais qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, hein? Et autour de la chrysalide, il y a le cocon. Ce sera un papillon. Ce truc horrible, un papillon? Ah oui, oui. Au pilotage, c'est mage. On teste des zincs. Que le monde sache, c'est l'ouest des Indes. J'casse le délire, fracasse le menhir. Gaulois portant dans une main des doigts, j'en ai que 5. Vous gratifie, le mélérical graffiti. Les termines comme nous, ça se raréfie. Comme l'oxygène en altitude, mes titres en titube. Tu colles al, bolong l'harmonie, les titres en titube. Quand j'colle al, une raclée sur chaque joue. Yammer chaque jour, on se colle à l'instru. Putain de génération, nos futurs, tous big and tall, un peu comme nos futs. Aucune date de péremption dans l'écriture. Le temps purifie, ne reste que les détritus. Mes exocètes détruisent tout sur leur passage. Après l'effort, mes courbatures méritent un massage. Les dieux du rap me laissent le brassard. Et les autres MCs de crier tout, mais pas ça. Une putain de créature, grandit dans l'obscur. Porte le coup de grâce dans tout ce bazar. Le passage, rien ne l'obstrue. All timer, dans l'undercover. Un cocon, une bête, un putain de leader. Une renaissance, un coup de soleil, fini le sommeil. La chrysalide fissure, voilà c'est fichu. Chrysalide. Chrysalide. L'horloger beaucoup trop à la bourre pour dire bonjour. Venu mettre vos tagos à l'heure à coup de calembour. Les abeilles meurent sur le poil de l'ours. Rien que du loup, résultat garanti. Le fuel passe par la carotide. Les pires ennemis, les ex-amis. Je fais grand bruit, le secret des pyramides. La chair et le cambouis. Les esprits les plus cartésiens embrouillés. Mes coups assomment les plus bas, les études les plus douillés. Le bismouille veut me vider les couilles. Je viens le souiller, cette jalouse veut me douiller. Mais j'éviterai les coups. Mon art menacé, impossible comme Marilyn Manson dans un sitcom. Produit par Benoît XVI. Ok, moi mon nom est personne. Alors je perce la chrysalide en acier. Où que c'est? Cette putain de porte qui a la clé. Amenez-la moi que je marque ce siècle. Une grosse raclée. Les gangsters pensent à braquer. Les M6 rêvent de me baquer. L'industrie attend mon feu vert pour me maquer. Mais j'ai piraté le réseau comme un hacker. Check le virus, connais mes putains de récits par cœur. All timer, dans l'undercover. Un cocon, une bête, un putain de leader. Une renaissance, un coup de soleil, fini le sommeil. La chrysalide fissure, voilà c'est fichu. Chrysalide. Chrysalide. All timer, dans l'undercover. Un cocon, une bête, un putain de leader. Une renaissance, un coup de soleil, fini le sommeil. La chrysalide fissure, voilà c'est fichu. Chrysalide. Chrysalide.